Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vintage Wessels, le podcast pour ceux qui aiment le catch ancien, le catch vintage, le catch qui concerne peut-être la plupart qui ne sont pas nés ou qui étaient tout petits, tout bambins. Ah ben c'était pas mon cas, j'avoue, là, c'est Bruce T, bien sûr, qui vous parle. Ouais, j'avais déjà 10 ans à l'époque. C'était aussi pas le cas de Renaud, je pense. Salut Renaud. Salut Bruce Lee. Salut tout le monde. Ouais, non, c'était pas le cas, hein. C'était pareil que toi. Moi, j'étais devant Canal Plus, hein, devant les Survivor Series 95. J'étais déjà devant ma télé en train de mater le show. Eh oui, pareil, effectivement. Ouais. C'était l'époque dorée du catch sur Ah Canal bah oui, Plus. c'est des souvenirs énormes. Eh oui. Mais peut-être que le troisième intervenant ce soir n'a pas vraiment connu cette époque, Verpa. Salut Verpa. Non, non, pas vraiment. Salut. Oui, avec les fabuleux commentaires de Canal+, avec Jean Brassard et Raymond Rougeot, ça valait le détour. Ah oui, oh, c'est toujours animé, ça faisait spectacle, NKE, hein, je dirais, c'est une tendance. Et donc, au programme, mine de rien, c'est vrai que je vous ai toujours pas parlé du programme, ce seront les Survivor Series. Avec un retour en 1995, comme le 27 novembre prochain, il y aura les Survivor Series qui auront lieu à Boston. Et à l'époque, bon, il y avait beaucoup plus de matchs, déjà 5 contre 5, 4 contre 4, et alors que là, pour l'instant, il n'y en a clairement pas du tout cette année. Bon, ce sera un autre débat dans le Late Night Wrestles de la semaine prochaine. Et donc, sans plus tarder, bon, on va parler donc de ce pay-per-view après le jingle, c'est-à-dire le thème de Monday Night Raw à l'époque. De retour à Landover dans le Maryland devant 14 500 spectateurs. La précision est utile parce que c'est pour vous faire une idée si vous voulez faire une petite fête dans cette salle. C'est jamais. C'est Ouais, jamais. puis Maryland, c'est quand même pas une grande terre de catch. Oh ben il y a souvent des shows à Baltimore. Il y a au moins un pay-per-view par an de la WWE à Baltimore. Ouais, à C'est à Landover, c'est Landover. plutôt rare, ouais. Voilà, Il y a, c'est à ça. part Baltimore, ouais, c'est vraiment le désert. Eh oui, les commentateurs étaient Vince McMahon, Jim Ross et Mr. Perfect. Voilà, ça avait lieu le 19 novembre 1995, le 9e Survivor Series de la série. Le premier se déroulant le dimanche, parce qu'avant il se déroulait en semaine à l'occasion de Thanksgiving, qui a lieu le jeudi à chaque fois. Voilà pour la petite précision. Sans plus tarder, bah je vais passer la parole à Renaud déjà pour planter le décor à l'époque de la World Wrestling Federation, parce que c'était pas encore un totalement, faut préciser bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passait cette année-là? Ben, en fait, les années 90, elles sont composées de deux grandes ères. Bon, t'as la première qui fait fin 80, début 90, c'est ce qu'on appelle la Golden Era. C'était la période où Hogan remplissait les premiers WrestleMania sur son nom, quoi. Hein. C'était une énorme star et les USA commençaient vraiment à aimer le catch, ça se remplissait en masse. Il y avait même un dessin animé avec Hogan en star. Il y avait quelques noms aussi qui gravitaient autour, hein. Je pense à Piper, ou Macho Man Randy Savage, André, Snuka, Slaughter, enfin voilà. Et le Warrior aussi. Ça, c'est la Golden Era. Puis après, à la fin des années 90, il y a une période que beaucoup plus de fans connaissent, notamment grâce aux jeux vidéo en ce moment, c'est l'Attitude Era, bien sûr, avec Stone Cold Steve Austin, qui là, lui, c'était lui la méga star à ce moment-là. Bon, avec DX, Mankind, The Rock, les New Age, tout ça. Ça, c'est deux énormes périodes, beaucoup de gens les connaissent. Mais sinon, entre ces deux périodes-là, t'en as une qui fait un peu office de transition. C'est la New Generation. C'est exactement, et c'est là pour notre review là des Survivor Series, on est en plein dedans. En fait, Vince avait procédé à des coupes budgétaires à l'époque et avait laissé partir Hogan, Savage par exemple, qui était en plus en train de vieillir et avait des gros salaires. pour miser sur la New Generation, qui en fait à l'époque c'était Bret Hart, Michaels, il y avait Diesel, Razor Ramon, Sid, Luger, Owen Hart, tous ces mecs-là. C'est une période avec beaucoup moins d'aura, mais elle est très PG dans la forme aussi, mais très intéressante niveau in-ring. Donc voilà. Eh oui, ma foi, après ce petit état des lieux, c'est vrai qu'il y a, on va voir qu'il y a pas mal de débuts, de retours aussi, des catcheurs qui vraiment débutaient, donc pas mal de têtes à mon avis que vous connaissez finalement, mais pas sous cette forme, je pense. Exactement. Donc on va passer au premier match. C'était dans le vif du sujet, déjà on rentrait dans le vif du sujet avec le premier Survivor Series Elimination Match, 4 contre 4. D'un côté le groupe The Body Donnas, composé de Skip, c'est-à-dire plus connu sous le nom de Chris Candido à l'ECW. Rad Radford, plus connu sous quel nom, Renaud? C'est Louis Piccoli. C'est Louis Spicoli à la ECW. Il a eu quelques bons matchs face à Tommy Dreamer. Il a été plus connu là-bas. Bon, il est mort en 98. Il a pris beaucoup de drogue. Mais c'est ouais, c'est Louis Spicoli. Voilà, oui, pour la petite précision. Et puis le troisième membre de Body Donnas, Tom Pritchard, c'est-à-dire le frère de Bruce Pritchard, qui l'a utilisé son vrai nom. D'habitude, c'est pas le cas. Pour ça, plus connu d'habitude, je crois, dans l'équipe, je me trompe de gars, des Evenly Bodies. Et ils avaient le renfort d'un quatrième homme, One Two Three Kid, managé par Ted DiBiase. Un gars un peu rebelle, on va dire, à l'époque, qui s'attirait les foudres de Razor Ramon. Et ils étaient accompagnés par Sunny, bien sûr, la manageuse de Body Donnas, avec sa gimmick de fitness. Et ils ont battu les Underdogs, composés de Marty Jannetty, je pense pas trop besoin de le préciser, assez connu, dans un énième retour, parce qu'il a fait beaucoup de retours à la WWE. Akushi, japonais, petite anecdote de Renault, je pense, là-dessus. Bah ouais, en fait, Akushi, c'était Bret Hart qui était parti au Japon. Et il avait vu Akushi là-bas, il avait trouvé excellent. Il était rentré en Amérique, il en avait parlé aux officiels, et les officiels avaient contacté Akushi qui était prêt à venir travailler en Amérique. Moi, personnellement, je trouve que c'est un super catcheur. Son premier pay-per-view, c'est In Your Wars 95, c'est d'ailleurs le premier In Your Wars de l'histoire. C'est contre Bret Hart. Ce match, je trouve qu'il a vraiment pas vieilli, il est parfait. C'est un vrai bijou. Il s'est affronté la même année. Avec Bret Hart en Arrow. Ça avait été aussi un très bon combat. Et l'anecdote que j'ai, en fait, c'est Bret Hart qui l'avait dit, il s'était posé en coulisses avec Akushi. C'est deux perfectionnistes, hein, les mecs. Ils sont posés tous les deux en coulisses et avec une feuille et un stylo. Bret Hart, il a noté les prises qu'ils avaient faites à In Your Wars, en fait, pour pas les refaire lors de leur match Arrow. Ça te prouve un peu à quel point les mecs sont des perfectionnistes jusqu'au bout des ongles. Et puis après, Akushi, quand il avait quitté la fédération, il avait fait un passage très bref à la ECW. Il avait fait équipe avec Hayabusa contre RVD et Sabu. Ce match, c'est un chef-d'œuvre intemporel. Hein. Tu peux demander à n'importe quel fan de la ECW, ça rappelle encore aujourd'hui. Eh oui, une petite précision de Verpa, je crois, tu disais que sans abri. Il est sans abri Oui, maintenant il y a ou... eu une rumeur à un moment, mais au début, c'était une information qui tournait sur les grands sites de news de catch, Wrestling Observer, Wrestling Illustrated et compagnie. Alors après, on sait désormais que la news est à prendre avec des grosses pincettes, puisqu'a priori, le fait que Shinsaki, donc Akushi, ait été SDF juste après le tremblement de terre, donc qui lui a été lié à la catastrophe de Fukushima, en fait le tremblement de terre n'aurait pas rendu Shinsaki SDF par rapport à ce qui a été dit pendant longtemps, donc en 2011. Et donc suite à ça, vu qu'il y avait eu un regain d'intérêt pour Akushi dans les médias locaux. Il y a eu Mike Quackenbush, donc de la Chikara, qui au tout début 2011, lorsqu'il a voulu composer la carte donc du plus grand show de sa fédération, donc qui est le King of Trio comme chaque année au printemps sur la scène indépendante nord-est américaine, il a choisi d'inviter une équipe de Japonais et la surprise, c'était la réapparition de Takushi, donc qui n'était pas venu aux États-Unis depuis 7 ou 8 ans minimum. Et donc c'était un retour sur la Terre, donc il l'a vu se faire connaître, puisqu'il est quand même excessivement connu comme étant l'un des Japonais qui a marqué le plus important, de manière la plus importante, le catch américain. Eh oui, Ah, c'est vrai qu'on verra ce que vous en avez pensé durant le match. Et Sinon, on va... tant qu'on est sur Akushi aussi, un petit truc, il a fondé quand même la Sendai Girls. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la préhistoire de Wrestle Radio, j'avais fait une petite Oh, tu te analyse rappelles de la très bien. Sendai Girls Oui, sur voilà. la scène donc féminine du Japon. Et donc, faut savoir qu'Akushi, c'était le fondateur de cette promotion, donc la Sendai Girls, qui est dans la ville de Sendai, qui a été très largement touchée par le tsunami et qui donc a un petit peu périclité. Puisque la cofondatrice avec Akushi, c'est Meiko Satomura. Et si vous voulez, c'est une sorte de Ric Flair local qui, même étant encore très âgé, catch encore. Ah, donc tu ne l'aimes pas. Ah si, Meiko Satomura, je l'aime bien. Mais elle est un peu dépassée. Elle commence à être un peu dépassée. Mais bon, c'est un style, si vous voulez, excessivement stiff. C'est vraiment le catch japonais, vraiment dans ses heures les plus belles, mais aussi où les méthodes d'entraînement étaient parfois assimilables à de la barbarie, quoi. Si vous avez vu le documentaire sur la Gaea Girls, je pense que ça tourne pas mal sur Internet, sur YouTube, sur des sites de téléchargement. Faut absolument le regarder. Quand on voit les méthodes d'entraînement de la Gaea Girls, on se voit que bon, De toute c'est façon, extrêmement difficile. le Performance Center, il n'a pas existé tout le temps. Bah Hein. là, c'est le Après, Performance Center, là, ça a c'est été un souvent embryon. spartiate, vraiment. C'était, ouais. Puis alors, que dire de la OVW pour la TNA? Là, Ouais. c'est Mais un bon, résidu. ça, c'est un autre débat. Et donc, la suite de ce groupe, donc après les deux premiers cités, avec le jobber par excellence, Barry Horowitz, très apprécié du public, mais qui a très peu gagné aussi. Et puis Bob Holly, c'est-à-dire Hardcore Holly, quoi. Voilà, pour la petite précision. Alors, le résultat, donc les Body Donuts avec What the Freak Kid l'ont emporté après 18 minutes 45 secondes. Avec One Two Three Kid, seul survivant de son équipe à l'arrivée, qui a battu Marty Jannetty suite à une intervention de Psycho Sid, Sid Vicious, qui managé par Ted DiBiase, qui l'avait ramené. Ce match, excellent au demeurant, je pense, élu dernièrement même 7e meilleur Survivor Series Elimination Match par le site de la WWE, je sais pas. T'as la pensée quoi, Renaud? Ouais, je l'ai trouvé très sympa. Bon in-ring, notamment grâce au Kid, hein, Jannetty aussi et Akushi. Je trouve que c'est les trois qui sortent vraiment du lot sur ce match-là. Moi, je suis assez déçu de Skip au final sur ce match. C'est dommage parce que quand on regarde ses combats, Chris Candido, quand on regarde ses combats à la ECW en équipe avec Lance Storm, c'est quand même un catcheur de haut niveau. Mais là, bon, après c'est le booking aussi hein, qui fait ça. Horowitz, lui, bon, lui, il sert à rien. Hein, je suis désolé, mais c'est terrible Horowitz. J'ai bien aimé le powerbomb de la troisième corde de Jannetty. Oh oui, ça c'est le move du match, à mon C'est avis. le move. Il le fait sur qui déjà par contre? Akushi, non? J'ai Ah un doute, parce non, que il moi est de tu. son équipe, c'est pas Ah possible. sur Skip, sur Skip. Il le fait sur Skip, oui, voilà. Oui, ben oui, dans son Ça. équipe. Sur Skip. Et j'ai bien aimé l'ovation pour Akushi aussi. Parce que moi, Akushi, j'avais toujours des souvenirs du Akushi Heel, qui était hué par la foule, et là j'ai trouvé quand même qu'il était assez over. Donc ouais, bon Quel combat. rythme il met Ah ouais. quand il est sur ring. Ouais, c'est impressionnant. C'est fou ça. T'as pensé quoi, Verpa? Donc, j'étais agréablement surpris du niveau quand même qui est pour un opener, parce que bon, il y a énormément de rythme hein, par rapport à un match qu'on peut voir actuellement. Bon, je vais pas faire du troll, mais quand on voit des matchs avec des catcheurs du style The Miz, Barrett, Drew McIntyre, ou Fandango dans des openers de ce niveau-là, aujourd'hui, les Survivor Series n'ont plus rien à voir avec les openers qu'il y avait en 95. Et vraiment, quand on regarde à tête reposée la vitesse d'un match comme celui-ci entre les Body Donnas et les Underdogs et la vitesse d'un opener en 2010, en 2011 ou en 2012, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Et pourtant, on n'a pas des immenses techniciens sur le ring. Hein. Barry Horowitz n'était peut-être pas au meilleur de sa forme, Tom Pritchard non plus. Et pourtant, on a un match tout à fait correct. Hein. Ah Et surtout, ben. j'ai trouvé qu'il y avait une très grande importance de la part de catcheurs qui soit venaient, soit qui allaient partir vers la ECW. Et là, on sent bien qu'il y a comme un petit tournant, comme disait tout à l'heure Renaud, entre les différentes périodes. La ECW en 95 a été dans une période encore un petit peu difficile. Il y avait certains qui partaient. Par exemple, en Dark Match, on avait les Public Enemy qui venaient de quitter la ECW, si je me souviens bien. C'est ça. Et bon, là, on remarque il y a encore de nombreuses nombreuses allusions, donc le petit côté ECW, je pense, a agrémenté agréablement le match. Mais oui, en effet, je dirais presque que c'est le, attention, ouais, ce dont on va parler ensuite, c'est pas pourri, attention. Mais je jugerais limite que c'est le meilleur match du show. Enfin, c'est celui qui m'a le plus plu parce qu'il est le plus rythmé dans le lot, en tout cas. Après, ça dépend, c'est par rapport au profil des catcheurs, parce que c'est sûr que les Akushi ou un Tofu Kid, les gars, s'ils sont pas un minimum intense, c'est pas leur truc, quoi. Ils sont vraiment dans l'intensité pure. Donc voilà, c'était un bon début, quoi, ma foi. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter éventuellement sur ce match ou au contexte potentiel? Pas pour moi. Donc on va passer à la suite qui est taillée sur mesure pour Verpa, parce que c'est un match nouveau sur le service élimination match, 4 contre 4 à nouveau, et entre des femmes, avec d'un côté l'équipe composée de Berta Faye, Aja Kong, Tomoko Watanabe et Lioness Asuka, et contre l'équipe de Alundra Blaze, la championne féminine de l'époque, enfin, celle la plus en pointe, Kayoko Inoue, pardon, Saki Azegawa et Chaparita Azari. Voilà, je m'en sors Ça avec va? le nom. Ça va, Brossi? Voilà, oui. Ok. À l'arrivée, l'équipe d'Aja Kong, ultra dominante, qui a éliminé toutes ses adversaires. En fait, elle a fini par Alundra Blaze après 10 minutes 01 seconde. Seule survivante de son match et vainqueur. Parce qu'il y a plusieurs histoires à raconter un petit peu dans ce match. J'ai commencé par Verpa parce qu'il connaît bien certaines catcheuses du lot, dont Aja Kong, récemment retraitée. Oui, Aja Kong, oui, qui a pris sa retraite récemment. Après, on a encore pas mal de japonaises qu'on retrouve actuellement, soit sur en fin de carrière, soit parmi les coachs actuels des dojos japonais. Donc, on a encore une génération, on est encore dans la golden era japonaise. Après, en ce qui concerne les catcheuses américaines, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est Berta Faye, parce que j'avais assez peu vu, surtout que, à l'instar de nombreux catcheurs, donc on a oublié au match précédent, mais il y a quand même un taux de mortalité qui est quand même hallucinant, hein. Dans les deux premiers Oh matchs, il y a quand même pas loin d'un quart des catcheurs, ça fait que même pas 20 ans et il y en a déjà un quart en moins. Donc Berta Faye, oui, qui est décédée au début des années 2000, en mais 2000 ans, pile, ouais. du côté des japonaises, on les retrouve encore dans le circuit. Donc c'est là qu'il y a quand même une petite différence. Alundra Blaze, aujourd'hui, elle est complètement portée disparue. Elle a tenté d'attirer l'attention récemment, au début de l'année 2013, je crois, avec une histoire comme quoi elle pourrait éventuellement revenir à la WWE, mais c'était une initiative personnelle qui venait d'elle-même, parce que il y a toujours l'épisode dont va nous parler Renaud, l'historien Justement, de oui, Wrestles voilà. Radio, le célèbre épisode de la WCW et de la ceinture. Ah Et bah oui. justement, oui, Alundra Blaze, quand même, la championne, donc, qui a remporté 3 fois le titre féminin, qu'a-t-elle fait quelques mois après, à peine, Ben, semaine. à peine signée à la WCW, elle était partie avec la ceinture féminine de la WWF, puis elle avait balancé dans la poubelle en direct à Nitro. C'était en 95. D'ailleurs, à la WCW, elle se faisait appeler Medusa. Et donc ça avait marqué Vince McMahon, ça avait marqué tout le monde d'ailleurs. C'est un peu pour ça aussi que Vince McMahon était un peu psychopathe, hein, sur le cas Bret Hart. Je parle pour le Montréal Screwjob en 97, parce qu'il s'est dit si Bret Hart il me refait le coup, il se casse à la WCW, il me balance la ceinture cette fois de champion du monde, qui est méga plus importante que celle quand même des femmes, ça aurait été encore plus un choc. Donc ouais, c'est une image qui restait dans les annales des années 90 quand même, pour les Et femmes oui. catch. Et puis dans l'histoire du Aujourd'hui. match, y a un élan coupé, je dirais, parce que la rivale était Berta Faye à l'époque, et puis Aja Kong, en fait, en gagnant, elle avait gagné un petit peu d'un processus un title shot qu'elle a jamais pu avoir, en fait. L'histoire dit qu'elle aurait pu rester, en fait, à WWF si elle avait pu affronter Alundra Blaze après. Ouais, non, je voulais dire que en fait Alundra Blaze aujourd'hui quand même elle a bien disparu de la circulation. Au niveau des japonaises, on voit quand même sur ce match-là qu'il y a un très gros travail technique. En termes même de d'équipe, on sent bien que au Japon à cette époque-là, dans les années 92, 4, de à peu près jusqu'à 97, la période Gaia, la période dorée de la génération japonaise, il y a un grand travail technique et surtout qui est doublé d'une très grande maîtrise par équipe. Et c'est vraiment ce qui fait la différence, je pense, dans ce match-là et dans un match des Survivor Series, c'est que la coopération entre les différentes membres de l'équipe permet un lien et permet d'accélérer le match. Et donc on n'a plus la sensation d'avoir des temps morts dans le passage des tags entre les différentes participantes. Et oui, et puis les Complètement. Nord-Américaines sont parfaitement intégrées du coup dans le processus. Et dans le match, pas mal de souplesse, ouais, ça va dans le sens technique que tu disais. Bah, vous en avez pensé quoi du match en lui-même, Renaud? Moi, c'est une grosse impression. Moi, c'est un des meilleurs combats de femmes que j'ai vu. Hein. Je place, je sais pas, moi, j'ai peut-être un top 5, un top 10, je le mets dedans. Il y a du rythme, c'est technique, c'est propre, c'est fluide. J'ai bien kiffé la petite japonaise en rouge, la version Power Rangers, même si elle reste pas longtemps, c'est laquelle, elle? La rouge version Power Rangers dans l'équipe d'Alundra Ouais, Blaze ou dans l'équipe la fine, là, ouais. Inoue. Ah, d'accord, ok, ouais, Je c'est... pense que c'est Kyoko Inoue, ouais. Elle catch d'ailleurs encore aujourd'hui, bon, elle est plus très fine, hein. Ouais, d'accord. Ah bah depuis, c'était il y a 18 Et ans. Kong, bien sûr, bien sûr, Kong, bon, elle a plus le physique Ah oui, gabarit impressionnant, Ah oui. ouais, elle a un gabarit impressionnant, Bon, mais... moins que Berta Faye, mais voilà, quand même. C'est du très haut niveau, hein. Et juste deux petits mots encore sur Blaze, parce que moi j'avais noté un match de Blaze contre Bui Nakano. Ah oui, mythique. Dans un Raw, c'est celui-là que tu vois toi aussi, celui de, Ouais. ouais, un Raw de 95, c'est mythique. Faut le voir. Mythique. Super combat. Je pense que vraiment, en toute sincérité, ce doit être sûrement le combat féminin numéro 1 de la Ouais. WWE de 1982 à 2013. Ouais, je suis d'accord avec toi. À mon Vraiment. avis, jusqu'à Mickie James, ça devait être ta période préférée, parce qu'il y avait pas mal de japonaises qui luttaient. C'est surtout un match entre Bull Nakano et Alundra Blaze qui a extrêmement bien vieilli, contrairement à d'autres matchs de cette période. On pourrait dire c'est quasiment un match d'aujourd'hui. Exactement, t'as l'impression que le match il a été fait hier, ça serait pareil. Hein. Énorme. Non, mais c'est vrai que c'est pas le même genre de catch et c'est pas un catch démodé du tout, ouais, mais c'est pas le genre de catch qui est pratiqué par les féminines actuellement, ça c'est sûr. Bah, passer au prochain match, je pense, avec un arrivant qui est le trait d'union à la Survivor Series de cette année, parce que c'est champion par équipe de cette année avec son frère Cody Rhodes, c'est Goldust, qui débarquait tout juste et qui affrontait bah, quelqu'un qui allait partir en revanche, Bam Bam Bigelow. Qui s'était pas mal révélé dans la dernière partie des années 80 notamment. Il faisait pas mal de main event. L'arrivée Goldust l'a emporté en 1 minute 18. T'as pensé quoi, Renaud? Ouais, c'est pas bon. Il n'y a pas vraiment Oui, de. d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait penser, dans le précédent numéro de Light and Wessels, tu parlais de Goldust justement, en parlant de tous ses débuts jusqu'à 2002, je crois, qu'il fasse équipe avec Booker T, et puis qu'il était. C'était pas très efficace sur Non, lui. c'est pas très efficace. En fait, il a eu des hauts et des bas. Moi, Goldust, j'ai préféré vers 96. Je trouve qu'il était mieux dans ses feuds de 96. Après, même l'attitude des rats, bon, c'était pas super quand ils faisaient équipe avec Luna Vachon. Bon, c'était pas génial. Là, le match, c'est pas bon parce y a pas d'alchimie. Il y a pas d'alchimie entre les deux. En plus, c'est très court. Et tu sais, ce genre d'affrontement, ça me fait un peu penser à Jericho Fandango. Parce que t'as Goldust qui vient d'arriver en tant que personnage, hein, parce qu'il avait un passé déjà, contrairement à Fandango, il avait un passé à la WCW assez intéressant. Mais là, il vient d'arriver en tant que personnage. Et donc comme Fandango, et t'as Bam Bam Bigelow qui lui c'est un vieux roublard, hein. Comme tu as dit, il était déjà dans les main events des années 80, il a fait plusieurs fois équipe avec Hogan pour affronter Ted DiBiase Senior ou même André le Géant, tout ça, c'est vraiment un visage de la fédération. Il a même été finaliste du King of the Ring 93 et main eventer par exemple de WrestleMania 11, donc bon, il a quand même une carte de visite le monsieur. Et c'est un peu ça, c'est un peu le nouveau. D'ailleurs Goldust, même son entrée elle est très très lente, il y a un petit passage où il parle, l'entrée est dure, est dure. C'est pour mettre en avant aussi le personnage. Il vient d'arriver. Et c'était un personnage extravagant, hein, Goldust, à cette époque-là. C'est assez mythique, quoi. Donc voilà. Ils ont bien insisté sur le fait de ramener Goldust comme ça, très lent dans l'entrée. Et puis après le match, malheureusement, derrière, qui suit, est pas bon. Ah oui, et puis finir sur un running bulldog, bah, ça fait rire. Et ça, c'est le problème du finish de Goldust, qui a un finish où il faut porter une sorte de souplesse, tu sais. Mince, le nom me revient À plus. moins de s'appeler à moins de s'appeler Ahmed Jones, Ahmed Johnson. Johnson, ouais, ou Goldberg. Ouais, voilà. Ah, Ben, le final cut, bah, voilà, final cut, une sorte de souplesse où tu tournes. Bon, là, sur Bam Bam, c'était pas possible. J'avais une petite question concernant Bam Bam Bigelow, donc on savait que c'était à peu près le milieu de sa carrière. Est-ce que vous trouvez pas non plus qu'il commençait à avoir les prémices de son déclin avec une plus plus faible rapidité dans le ring, avec un embonpoint qui commençait à être marqué. Donc on sait que 95, c'est une année avant son départ à la ECW. Donc est-ce que vous voyez pas plutôt que c'était le début de la fin, Bam Bam Bigelow? Ouais, Ouais, moi c'est ce que je vas-y, vas-y. sous-entends un petit peu, ouais, parce que c'est vrai qu'il est loin d'avoir fini sa carrière. Bon, malheureusement, il est décédé en 2007, un an après la fin de sa carrière. Bon, il avait quoi, 34 ans, je crois, à l'époque. Ben ouais, non, c'est vrai qu'il était déjà pas mal éprouvé, je crois. S'il avait commencé très jeune aussi, et puis il avait beaucoup de présence, comme tu disais, Renaud, déjà, bah, les années précédentes, il a énormément lutté, vraiment, ouais. Ouais, il était là souvent, mais c'est vrai que, ouais, je pense aussi que là, tu sens que c'est la fin pour Bamba, mais d'aller à la CW, ça sera un peu un second souffle pour lui. D'ailleurs, il a été champion du monde de la fédération. À la WCW, après, il était là pour jobber, hein. Il a jobé pour Bill Goldberg. C'est sa grosse feud. En fait, il est venu à la WCW pour choper Bill Goldberg, parce que c'était ça l'histoire. Derrière, il s'est pratiquement rien passé, hein. Il a été champion hardcore très vite. Bon, il était là pour jobber plus qu'autre chose. Mais si on veut voir du bon Bam Bam, oui, c'est la fin des années 80, le début des années 90, jusqu'à 93 à peu près. Là, il y a du très bon Bam Bam. Hein. Le monsieur, il est capable de faire des moonsaults, des roues. C'est quand même un poids lourd, un big man. Très rapide dans le ring. C'était intéressant, Bam Bam Bigelow, à l'époque. Hein. Oui, et puis on sent la reconnaissance du public parce que durant le match, il était très très encouragé. Et au contraire de Goldust, évidemment, c'était tout le contraire, mais Ouais. voilà. Là aussi, ça marque le gars parce que sinon, c'était un match sans aucun intérêt en soi-même. Hein. Ça, la comparaison avec Jericho Fandango, bah, sur le coup, elle tire. Hein. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes profils, mais sinon, elle tire. Dans le genre match sans intérêt, un gars sur le départ et qui, voilà, qui monte un gars, ouais, ça se pose là. Ouais. Heureusement, Goldust, après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il est monté en température. Bon, après, c'était seulement ses débuts. Et c'est vrai que on en a eu des exemples de gars qui ont fait des débuts catastrophiques. Mais bon, voilà, faut un peu de patience. C'est un peu comme dans tous les niveaux. Ouais. Exactement, ouais. Voilà. D'ailleurs, la patience, il en a peut-être fallu avoir dans le match suivant, qui était un autre match sur la série d'élimination à 4 contre 4. Avec le Dark Side composé de Savio Vega, Fatu, connu sous le nom de Rikishi, et Henry Godwin. Bon, mais Gus, lui, il dirait le point Godwin, que je connais, lui, avec ses répliques, c'est pour ça. Et bah, il faisait équipe avec quelqu'un qui faisait son retour avec le masque du fantôme de l'opéra, l'Undertaker. Je sens que tu brûles d'en parler, Renaud. Ah, je brûle d'en parler, oui. Je te laisse dire l'autre team quand même. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. L'équipe, c'était les Warriors, c'est-à-dire tous des figures un peu royalistes, avec Jerry the King Lawler, bien sûr. Son larbin, en quelque sorte, façon dentiste, quelqu'un qui débutait encore à l'époque, c'était sa première année, Isaac Yankem, c'est-à-dire maintenant connu sous le nom de Kane, et faire donc le sacré revirement de situation quelques mois après. Ensuite, c'est moins plaisant le nom qu'il avait à l'époque parce que la prononciation Hunter Hearst Helmsley, ben voilà, ben c'était HHH, pas Triple H encore à l'époque. Et que son personnage d'aristocrate, il était encore dans ses débuts, bien sûr. Et Ah ils oui. étaient accompagnés par le massif King Mabel, évidemment. Bien connu, accompagné du malheureux Sir Mo. Ben, je dis malheureux parce que celui-là, il va se manger à un bon choc slam des familles, je crois, par l'Undertaker à la fin du match. Un match que l'Undertaker d'ailleurs plie en fait, en éliminant bah, littéralement tous les membres de l'équipe adverse après 14 minutes 21 secondes. À partir du moment où il est arrivé sur le ring, c'était un massacre total. Oui, Renaud, t'as pensé quoi? Ah oui, bah excuse-moi. Oui. Non, mais complètement. Je pensais que c'était. Bon, ça se laisse regarder, mais bon, franchement, enfin, c'est oubliable, quoi. Le match, il est booké pour le retour du Taker. Il s'était fracturé un os orbital sous l'œil. Donc, il était revenu avec ce masque, comme t'as dit, du fantôme de l'opéra. Il a pas gardé longtemps. Hein. Je pense Mais qu'il a d'ailleurs, c'est un gardé. masque de protection, on le voit bien, hein, parce qu'il Ouais, c'est un était masque de au protection. Bon, ils visage. l'ont un peu collé à son personnage un peu mystique et d'outre-tombe. Donc, ils ont fait en sorte que ça soit un masque Ah oui, fantôme de ah, l'opéra. l'entrée était impressionnante, hein, ça c'est sûr. Mais il a pas gardé longtemps. Hein. Je pense que dans le match du Royal Rumble 96, quand il affronte Bret Hart, il a déjà plus. Hein. Donc là, on est fin 95. C'est pas un grand Survivor Series match. Ah, Je petite note. précision, il était Ouais. accompagné par Paul Bearer, bien sûr. Oui, il est accompagné par Paul Bearer qui est là. Par contre, Mabel, c'est pour les plus jeunes, c'est Viscera ou Big Daddy V après. Ouais. Il s'est barré d'ailleurs, c'est comme ça que le match est fini. Oui, il s'est barré. Il était vainqueur du King of the Ring. Hein. C'est aussi pour ça qu'il est avec Jerry Lawler, Hemsley. Parce qu'il était le King of the Ring 95. Il avait battu Savio Vega en finale. C'était terrible à voir, dans le mauvais sens du terme. Mais Savio Vega d'ailleurs, adversaire, voilà, comme tu dis. Adversaire, ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est Yankem et Fatou. Bon, ils apportent pas mal de rythme. Après, c'est pas non plus, voilà, comme j'ai dit, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas mal. Après, Lawler, lui, c'est de la comédie, hein. Les matchs de Lawler, il est sur la fin. Lui, oui. Ah oui. Très connu pour ça. Il y a qu'à voir, là, qu'un Undertaker a enfin tagué. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah oui, là, ouais, il a pris peur. Il cherchait désespérément à taguer quelqu'un. Tout le monde. Et tout le monde s'est barré, ouais. Se barrer, ouais. C'était. Non, mais voilà, tu sens que le match, c'est vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que tu me contrediras pas, c'est un il match, est bouqué pour tes cœurs. Oui, un match équilibré, ouais. Où chacun a son rôle, et puis personne n'est éliminé, c'est gentil, c'est, voilà, tout le monde fait ses trucs, et puis voilà, dès qu'il y a l'Undertaker, tu sens que là, il va y avoir un massacre, c'est fini, quoi. Tu sens déjà que Lawler, il va passer à la casserole, avec Tom Stone Piledriver, qui est effectué, sur tout le monde, à part le chanceux King Mabel. Lui, il a vraiment de la chance, dans l'eau. Ah oui, ça aurait été dur. Un peu moins sapé. Et puis, bon, voilà. Et par exemple, Hemsley, lui, c'est pas le Triple H qu'on connaît, bien sûr. Et ça... Ah non, là, faudra attendre un petit peu, quand même. Oui. Il était dans un personnage où il était même en feud avec Henry Godwin, le personnage du fermier, tout à fait opposé. Feud mythique, avec le match, d'ailleurs, je viens de vérifier, le mois suivant a lieu le fabuleux match qu'on retrouve dans beaucoup de DVD consacré à Triple H. C'est le Hot Pen Match avec Henry Godwin. Ouais, à New Orleans, on s'est perdu où il fallait... saut là, debout, ouais. Ouais, il fallait se retrouver avec les cochons, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ah, et ouais. Le match qui a été réutilisé après avec Chavo Guerrero et Vicky Guerrero il y a 2-3 ans. Oui, avec Santina, oui. Mais ouais, non, voilà, à l'époque, c'est sûr que c'est plus ça, voir un petit peu ce qui était Kane à ses tout débuts, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir évidemment avec le personnage qu'on connaît maintenant, même le directeur des opérations bien sûr, ni même le Kane mystique, frère de Undertaker. C'est marrant. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui. Ah oui, ça a tellement rien à voir que quand ils sont opposés, il est vraiment jobber, quoi, c'est un truc de fou, hein. Alors qu'après, on verra que ça sera quand même un affrontement classique à WrestleMania ou à d'autres pay-per-view. Ah oui, à plein de pay-per-view, oui, bien sûr. Bon, voilà, et puis, c'est sûr que, pareil, Rikishi était dans un rôle, là, un petit peu de transition, je dirais, parce que il a commencé, venant des îles, il avait un personnage un peu sauvage, je dirais. Ouais. Et là, il entamait une transition vers un personnage cool, celui qu'on connaît, là, après, qui rappait et tout ça. Oui, après, qui s'est associé après, bien plus tard, au tout cool, Scotty Tuoti et le Grandmaster Sexy. Ça, ouais. Un peu plus danseur, un peu plus rappeur, ouais. Oui, voilà. Là, il entamait la transition, on va dire gentil. Bon, il avait pas aussi il avait pas encore la taille, on va dire la masse qu'on avait. Ouais. Donc voilà, il était vraiment intermédiaire à l'époque. On peut passer à la suite. Ouais. Avec le dernier sur le Series Elimination Match de la soirée, 4 contre 4, wild card, c'est-à-dire un petit mélange, un fourre-tout, un petit peu de tous les gars en vue. Et des gars qui s'aimaient pas dans la même équipe, avec des gars hyper connus dans l'ensemble bien sûr, avec Shawn Michaels qui revenait d'une blessure, il s'était fait bastonner je crois par les titres dans un bar, ce qui avait fait que le mois précédent il n'avait pas pu défendre son titre intercontinental et avait dû le laisser à Dean Douglas qu'on retrouve dans notre équipe. Exactement. Il était accompagné par Ahmed Johnson, tout récent arrivant, qui depuis même pas un mois, c'était son tout premier match en pay-per-view. Massif, c'est vrai que vous m'avez sans doute entendu comparer à Ezekiel Jackson à lui, je veux dire uniquement par la masse. Hein. Oh, voilà. Complètement. Voilà, à les pectoraux toujours qui bougeaient dans tous les sens. Et bien sûr, le British Bulldog Dabo Smith, je pense inutile, regretter British Bulldog bien sûr, inutile de le présenter, je pense, ça suffit. À lui-même, je pense, de préciser, qui était un petit peu managé par Jim Cornette. On ne savait pas trop de quel côté il était, Jim Cornette. Parce que non, mais il manageait. Il avait un intérêt de l'autre côté, voilà. Ouais, ouais. Et puis, l'autre homme, c'était Psycho Sid, qu'on avait vu décisif pour One Two Freaky dans le premier match, qui était accompagné par Ted DiBiase, bien sûr. Et ils affrontaient Yokozuna, Owen Hart, Ouais, là, bon, je passe vite fait parce que les noms sont suffisamment connus, je pense. Razor Ramon, évidemment, un C'est Scott fan Hall. du public, oui, Scott Hall, et puis, bon, on en parlera après, le contexte et tout ça. Vraiment, c'était limite une de ces années d'or, je dirais. Et les derniers, c'était Dean Douglas, bon, pas un passage heureux à la WWF. Parce que c'est connu sous le nom de Shane Douglas, bien sûr, après, à l'ECW notamment. Là, il avait un personnage, disons, basique, qu'on a vu beaucoup, et puis, c'est pas très à son avantage, c'est un run d'un an, quoi, qu'il a fait à peu près. Voilà. Et à l'arrivée, donc, la première équipe nommée, donc, Shawn Michaels, Johnson, Bulldog et Sid, a gagné avec. Ben, un petit massacre quand même, faut le dire à l'arrivée. Ils étaient encore trois restants, Michael Johnson et Bulldog. Bulldog un petit peu bizarre dans ce match. Et Michaels qui avait laissé Johnson faire le pin final sur Yokozuna, donc après 27 minutes 24 secondes, le match le plus long de la soirée. Donc t'as pensé quoi, Renaud? Ouais, j'ai trouvé que c'était un bon match. Bien construit aussi. Bon, tu sens que c'est le premier pay-per-view pour Ahmed Johnson, parce que bon, Shawn Michaels qui laisse faire le tomber à Ahmed Johnson quand même sur Yokozuna, bon, faut le faire. D'ailleurs, précédemment, on le voit dans une interview en coulisses que clairement il joue un peu le rôle de mentor Ouais. de gars qui l'accompagne à ses débuts, quoi. Ouais. Et bon, Ahmed Johnson, il est un peu booké comme la star, la grosse star qui vient d'arriver. Finalement, ça sera pas trop le cas derrière, hein. Il y aura une feud marquante avec Goldust en 96 pour le titre intercontinental. Il Ouais, qui touchera au titre s'appelle Henry Cloud. intercontinental, mais il n'ira pas plus haut, hein. Bon, voilà. Sinon, je sais pas pour toi, mais l'élimination de Sid, elle est quand même hyper téléphonée. On la voit venir à 2 km. Oh oui, bah, la plupart des éliminations, on les voit, Ouais, on les voit quand même sur Internet. arriver. Et le bulldog qui vient faire une descente de la cuisse alors qu'il n'y a pas besoin de la faire. Oui, rien compris. Ben voilà, c'est Il là n'a que je pas disais qu'il est compris. bizarre. Lui-même, il n'a pas compris. Personne n'a compris. Même les Non, personne. commentateurs, ils ne comprenaient Ouais. pas. Non, on n'a pas T'as compris. Macron là qui était interloqué là aux commentaires. Genre, ouais, c'était bizard. Parce que Puis, en suivant, il y avait quand même le tombé. C'était inutile, quoi. ouais, non, c'était inutile. Même lui, ça lance un froid, là. Ça dure pas longtemps, mais on se demande ce qu'il est allé faire. Je sais pas pourquoi il a eu cette idée-là. Bon. Et sinon, bah oui, Dean Douglas, Ouais, malheureux. Bah, il a été éliminé en malheureux. se prenant une droite par Razor Ramon. Tu sais qu'il est toujours en froid avec la fédération encore aujourd'hui. Oh, mais ça m'étonne pas parce que voilà, il a fait un run malheureusement qui est Par contre, à catastrophique. la ECW, c'était une top star, hein, c'était un main eventer, le Ouais, voilà, franchise c'est Shane ça. Douglas. Ah, Shane Douglas, oui, c'est un nom, ça va, y a pas à dire. Ouais. Voilà. Toujours en activité d'ailleurs, et donc. Ouais. Et sinon, ben, la chimie entre Razor Ramon et Michaels m'a plu. Quand les deux ils sont dans le ring, tu sens que bon, les gens Ah oui, s'excitent, puis ils se font faut le le signe dire. comme s'il y avait l'échelle au. Ben justement, voilà, tu peux l'évoquer, je pense, ils sortent quand même d'un sacré match en 95, et donc. Oui, puis ils en ont fait deux. Bon, il y en a un qui est beaucoup plus connu, c'est normal, c'est le meilleur d'ailleurs. C'est à WrestleMania 10, le ladder match. Quel classique que vous voyez C'est sur un tous classique les intemporel. DVD, il y en a. Bien sûr. Mais ils s'étaient aussi re-rencontrés au SummerSlam dans un match. Bon, c'est moins connu, mais ça reste du très très bon aussi en ladder, dans la même année. Il y a une bonne alchimie entre les deux, c'est deux bons amis dans la vraie vie. Moi j'ai bien aimé, ouais, c'est un bon combat. D'ailleurs, c'est les deux gars qui restent plus longtemps sur le ring, hein, parce que bah, surtout Michael, c'est impressionnant. Hein, par Ah rapport ouais. à tous les autres membres de son équipe, il n'y a que lui sur le ring. Hein. J'aurais tendance à dire. Hein. Ah ouais, c'est Parce clair. Non, que mais il est au top de on sa voit pas forme. Sid, on voit pas le Bulldog. Johnson, évidemment, il est utilisé avec parcimonie sur la fin, surtout. Voilà. Ouais. Ah, lui, bien sûr, hein, switching music et tout, mais c'est remarquable, hein, parce que quand même, le gars, il vient quand même de subir quand même un incident le mois précédent, et voilà, c'est là pour moi qui est à son Ah, c'est un sommet. magicien, Shawn Michaels. Et ouais, même s'il est dans une période assez bizarre, parce que 95 ça va être une grande année, mais paradoxalement après ça va marquer une petite rupture, parce qu'il va se blesser assez gravement, et tout début 1996, il y aura même des rues, plus tard plutôt en 1996, il y aura des rumeurs comme quoi il arrêtait tout ça, fait des trucs de dingue, quoi. Tu parles de la blessure au dos là? Ouais, c'est ça, ouais. Je pensais qu'elle est arrivée plus tard, non? Et avec le fameux speech là? Non, non, Où mais il... c'était en 96, j'ai bien vérifié Ok. tout ça, ouais, c'était. Parce qu'après il s'était reblessé plus tard en 98, mais bon. Ah oui, il a connu certaines blessures Ouais. sérieuses. C'est là que quand même on peut admirer, malgré que je sais que Verpa tu l'aimes pas trop, on peut Il y a admirer une quand période même où il est sa plus potable. longévité, Ouais, non, franchement. qui déchaînait le public, logiquement, hein, ça c'est sûr. Ouais. quand même, quand on regarde avec 20 ans d'écart la liste des gars qui sont encore présents, on voit qu'il y a vraiment de tout. Hein. Entre Shawn Michaels, qui est encore aujourd'hui présent à la WWE, qui est très ami avec la nouvelle direction et qui est Hall of Fame, on se retrouve avec Ahmed Johnson, qui zone un petit peu, qui fait un peu de la formation, mais qui est après, tu toujours diras qu'il y a présent dans le encore des morts business. dans le lot, oui, mais bon. Ah bah évidemment, British Bulldog, oui, mais bon, on a toujours la relève avec Diez Schmidt. Donc même si bon, il est pas à la WWE, il a quitté, Oui, elle on a a quand dit qu'il même... devenait champion par équipe, ouais. Sid avait refait Ouais. un passage express sur Heath Slater aussi, vous vous en souvenez de ça? Quand Heath Slater Évidemment, Oui, très mais d'ailleurs, t'as le truc il de est Romil, apparu. ça, l'optique de Romil, ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que fichait Sid à intervenir sur Marty Jannetty au premier match, parce C'est que logique, il a... parce Et que c'est le manager, c'était c'est DiBiase qui DiBiase. l'a ramené, parce qu'il est manager depuis peu de One Two Three Kid, qui s'est joué à la Ah ben là, compétition. il a vraiment un rôle d'enforcer vieille école, quoi. Le gars, comme un goon au hockey, quoi. On le ramène, il est là pour faire le ménage et Bah, c'est il est ça, juste là et pour. c'était Sid, ouais, c'était justement Ça. ça, ouais. Mais Psycho Sid, d'ailleurs, qui est aujourd'hui dans une condition physique encore potable, mais bon, qui n'est pas extraordinaire. Hein. Bon, après, avec les Ted DiBiase et Jim Cornette, alors qu'il zone un petit peu, alors j'ai un peu de mal à le suivre Oui. récemment, alors il a quitté la ROH, non, récemment, je crois. Je sais Il plus zone honnêtement. un peu, il travaille en production, Je mais sais il est plus, c'est toujours vrai un qu'il peu a là. travaillé pour la TNA, il a travaillé pour la ROH, on sait plus s'il est encore là ou pas, mais. Ouais, il zone Bon, un peu. Vincent qui nous précise qu'il a eu des problèmes de santé et qu'il s'est retiré, mais ce qui n'empêche qu'il s'exprime toujours à son franc-parler bien connu. Hein. Ah Bah. oui. Ah bah ça, y a pas de problème. Lui, il commande tout ce qui se fait dans tous les magazines, on peut le retrouver. On a Yokozuna ensuite dans l'équipe donc de Razor Ramon, qui lui malheureusement est décédé, mais compte tenu de sa taille et de sa corpulence, c'était quand même difficile de pouvoir atteindre un âge avancé. Owen Hart, bon, malheureusement. Managé par Mr. Fuji et Yokozuna, j'avais pas précisé. Exactement, oui. Un japonais qui manage un Samoan déguisé en japonais, c'est pas mal. Oui, oui, c'est vrai. Owen Hart qui est décédé dans un accident, donc tout le monde connaît Razor Ramon, qui, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler aujourd'hui? Mais non. Ben ça va mieux, justement, Mais donc. après, Ben ça va mieux, mais justement, il est revenu et dans tellement l'histoire loin. d'après, Razor Ramon, il va quand même se mettre la WWF à dos, forcément, là. Ça va Eh ben arriver. l'argent de Ted Turner là. À peine quelques semaines Il a fait après, tourner de la toute tête, ouais. façon. Ah ouais, complètement, ouais. Il est parti à la WCW, à la concurrence. Puis après, il y a la NWO qui a suivi, enfin, voilà. En quoi, Ouais, tu bon. me diras, Renaud, que t'as pas trop regretté non plus sur le Oh coup. non! Non, non, non, non, non, non, franchement. Personne ne voudrait encore le voir aujourd'hui, même en cassette vintage. Eh oui. Mais ça va mieux là, il a été géré, il a eu des épisodes de assez sévères de d'alcool, non, ou de drogue, Les truc comme deux. ça, je crois. Et Les qui deux. c'est qui lui a permis de s'en sortir? C'est un certain DDP, bien sûr. DDP. DDP. C'est Voilà. un peu la méthode miracle. Hein. Quand DDP fera sa méthode, quand elle sera traduite en français, on Ah oui, verra les ça sera. retomber, mais... Ah ben moi ça me tarde de l'utiliser, Gus aussi. Ouais, Gus, oui. Quand ça sera traduit en français, ben Gus... Ah oui, parce que Gus, évidemment, parce que là, quand même, par rapport à la clope. Enfin, bref. Faut penser à tous nos amis qui ne parlent qu'une seule langue. Et ensuite, en dernier, on a Shane Douglas. Bon, alors Shane Douglas, lui, c'est limite le Jérôme Leroy de la scène indépendante. Hein. Tous les 2 ans, il change d'endroit. Alors aujourd'hui, il est toujours avec la Extreme Rising, je crois. Mais alors, c'est à moitié en faillite, c'est à moitié embrouillé Bah, avec ils vont faire un show quand même en fin les d'année. Il y a eu gérants. peur de faillite, mais finalement, ils reprennent. Donc, Il n'y a en jamais plus, de Shane sous, mais il y a toujours Douglas. un dernier show. Shane Oui. Douglas, quand même, il a quand même tendance à se prendre la tête avec beaucoup, beaucoup de monde. Ah Un oui, lui c'est un spécialiste. caractériel. Ah, C'est peut-être pour ça aussi que c'est ce aussi mois-là pour a ça, été si peut-être, mauvais, ouais. quoi, parce que Ouais. voilà. Bon, malgré qu'il a quand même, il avait chopé le titre intercontinental à l'époque, mais Oui, mais bon, tu aurais vu la façon dont il a perdu face à Razor Ramon, le pauvre. oui. Après c'était express, oui. Oula, C'est terrible. c'était. Il avait un peu la mentalité très typée ECW comme le Sandman, hein, pour les sortir de leur cocon ECW, dehors, ils font pas grand-chose, quoi. Mais ouais, c'est vrai que il y en a peu qui se sont révélés hors de cela. Surtout dans son style, quoi. C'est un style très particulier, avec une mentalité spéciale. Et je pense que le gros problème de Shane Douglas, c'était pas franchement son niveau dans le ring, c'était plutôt sa capacité à s'adapter aux ordres, aux différentes manières de manager un groupe de catcheurs pour pouvoir produire un show important. Je pense que t'as raison, à 100%. Mais ouais. Non, mais là, c'est vrai. Et puis on Des oubliait Mr. fois, Fuji. on peut pas être d'accord, mais c'est vrai que là, sur le coup, Et le sacré Mr. Fuji qui est au Hall of Fame désormais. depuis quelques années, je crois, il a été intronisé un petit peu Yokozuna, c'est récent hein, de manière aussi. secondaire, ouais. Donc en fait, on a quand même une énorme brochette d'Hall of Famer dans ce fabuleux match de 27 minutes. Ouais, en gros, à part Ahmed Johnson et Saito Seed, je crois, et Shane Douglas, je crois Le que... Bulldog aussi. Ah putain, oui, j'oublie à chaque Oui, le fois. Bulldog, oui. Mais Moi, bon, je trouve que c'est un peu limite qu'il y soit pas, j'ai toujours trouvé, donc bon. ça, je pense que là, c'est une question de temps. Pour le Bulldog, c'est clairement une question de temps. Ouais, C'est un après, peu. c'est vrai que les intronisations posthumes, c'est vrai qu'il y a le temps. Hein. À Yokozuna, ils ont bien pris le temps, par exemple. Donc, Il y a Randy Savage aussi, hein. Je pense que ça Oui. fait partie d'une petite liste. On sait qu'ils y seront un jour, Voilà, c'est ça, mais dans exactement. combien d'années, quoi? Ah, c'est Une, deux ça. ou dix? Owen Hart, ils ont des soucis avec sa femme parce qu'ils auraient déjà voulu le faire. Owen Hart l'a Ah dit. oui. D'ailleurs, ils vont diffuser un morceau sur la mort d'Owen Hart, d'ailleurs dans un DVD Made in WWE, ce qui est peut-être unique, hein, qui va sortir dans les prochains mois, dans un grand DVD qui s'appelait The History of WWE. Donc là, peut-être que l'histoire pourra avancer, mais le processus a l'air encore long. Mais je pense qu'on va pouvoir passer au main event, s'il n'y a rien à rajouter. Allons-y. Pour le titre de la WWE, F, pardon. J'ai toujours un peu de mal, voilà, pour certains Le termes. panda. Voilà, ah ben oui, c'est comme le panda, effectivement, merci. Et match sans disqualification, pour le seul titre en jeu de la soirée, mine de rien, entre le champion Diesel, connu sous le nom de Kevin Nash, bien sûr, et Bret Hart, un des grands chouchous de Renault, et pas que. Et à l'arrivée, ben Bret Hart a l'emporté, est devenu le nouveau champion après 24 minutes 54 secondes, en vie sûre, en piégeant un petit peu Diesel, qui le dominait énormément pendant le match. Et un petit roll-up des familles, et quand même, Diesel est ressorti fort, avec l'image du perdant qui ressort solide, après deux powerbombs et quelques beignes aux arbitres, voilà, tranquille, on célèbre. Et Diesel, quand même membre de The Click à l'époque, ce petit groupe en backstage surtout. Oui, Et puis c'est en ensuite qui backstage, oui. allait, voilà, surtout uniquement, qui allait partir ensuite à WCW bien sûr, et puis revenir à la WWE récemment. On a vu les matchs malheureux contre Triple H. Ouais, c'était en Mais 2011. voilà. Malheureux, c'est bien le mot. Oui, c'est ça, ouais. Bah, à l'époque, voilà, il était bien en forme, bien pimpant, Oui. bien monstrueux, arrivant de une prise de titre énorme, enfin, assez destructrice, contre le pauvre Bob Backlund, en 8 secondes. Donc, c'était assez explosif. Ah, petite précision, Bob Backlund était dans le pay-per-view, là, avec un fil rouge, Ah où il est oui. apparu avec un sosie de Bill Clinton, voilà. Ah, c'est pas le vrai Bill Clinton? Ah non, bah ça aurait été bizarre quand même, le gars qui se faisait Sonny, qui On a eu le sosie de déguise. Barack, on a eu le sosie de Barack Obama à Capital Punishment. Ouais. Mais il ressemblait bien, hein, Ah ouais. au début, moi Waouh. quand j'étais petit, enfin à 10 ans, je croyais que c'était lui. Hein. Moi aussi, même hier aussi. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai, bref. Voilà, fallait en parler là, enfin à parler là, pas spécialement, hein, parce qu'il apparaissait pas là, mais voilà, fallait bien en parler avant la fin. Mais voilà. Mais sinon, que penser donc de cette victoire de Bret Hart, Renault, bien sûr. J'ai vu, je pense avoir vu tous les Bret Hart contre Diesel. Moi, je trouve que leur affrontement à chaque fois, ça raconte une histoire. C'est toujours hyper intéressant entre les deux. Bon, faut savoir qu'avant d'arriver à la WWF, Nash, il était déjà à la WCW. Il avait fait un premier passage. Il se faisait appeler Oz, puis après il s'est fait appeler Vinny Vegas. Et ça avait C'est pour été. ça qu'il arrive déjà très fort, ouais. Ouais, mais à la WCW, ça avait vraiment été deux échecs énormes. Puis après, quand Michaels l'a contacté, qu'il avait signé chez McMahon, parce que c'est Michaels qui lui a dit viens à la WWF, quand il est arrivé chez McMahon, il est arrivé en bodyguard de Michaels. Et la première fois que les officiels, ils ont voulu le faire monter sur le ring pour recatcher, justement, c'était en pay-per-view, c'était au King of the Ring 94, et c'était contre Bret Hart, justement, en main event. Et Nash, il était assez stressé, mais Bret l'avait rassuré en lui disant qu'il allait faire son mieux pour le mettre en avant. Il y a toujours eu un respect mutuel entre les deux. C'est Puis pas des c'est comme grands tu amis dis hein, dans la aussi, vraie vie. oui. Et c'est comme tu dis, ouais, Bret Hart, c'est vrai qu'il s'est attiré pas mal d'inimitié, mais ça empêche que c'est un grand travailleur sur le ring. Tu disais l'anecdote avec Kakushi, par exemple. Voilà, ouais, là C'est ça. le gars qui aime bien rassurer ses adversaires, vraiment C'est travailler un ses matchs. perfectionniste jusqu'au bout Ouais. des ongles, donc c'est vraiment un mec qui lui et il paraît que chez lui c'était Scott Hall qui expliquait ça, c'est une mine d'or quoi, il collectionne tout, il garde tout sur sa carrière, tous les matchs. tous les trucs. C'est vraiment un mec, voilà, c'est un gars comme ça. Et lui, il veut toujours que ce soit excellent dans le ring. D'ailleurs, on connaît son surnom, Excellence of Execution. Donc, voilà, c'était déjà le cas. Il avait déjà mis en confiance Nash en 94. Bon, moi, ma préférence, ça va pour leur combat au Royal Rumble 95. Je trouve que Oh, le. bah la même, évidemment. Ouais, toi Parce que aussi. là, c'est vrai que comme tu dis, là, ce match, il est plus dans le j'ai raconté une histoire, plus que dans les. On voit peu de la panoplie de Hart, et voire pas du tout. Et Ouais, malheureusement, c'est voilà. vrai. C'est tout consacré à la force de Diesel qui le fait passer à travers la table. Voilà. Alors, t'as Hart quand même qui bosse sur la jambe, qui lui attache la jambe. Mais d'ailleurs, je trouve que Nash fait du bon selling quand même, parce que jusqu'au bout, hein, il va boiter. Vraiment, c'est très bien fait. Autant il y en a certains qui oublient. Alors lui, il a vraiment pas oublié. Ce soir-là, Nash, je trouve qu'au niveau du selling, il était très bon. Une petite chose, je pense que c'est la première fois qu'une table mexicaine se pète en pay-per-view, ou même tout court, en 95. Ce qui ne sera pas la dernière. Bah oui, après ça sera pas la dernière, mais là je pense que c'est une des Première d'une premières longue fois. série, oui. Et pour prouver la confiance qu'a quand même la WWF envers Diesel, c'est le troisième Triple Crown champion de l'histoire, derrière Pedro Morales et Bret Hart justement. Et tout ça, il a été dans sa première année, quoi. Je veux dire, il a gagné le titre intercontinental, le titre par équipe avec Michaels et le titre de champion du monde en 94. Sur une année, dans sa première année à la fédération, il devient le troisième Triple Crown champion de l'histoire. Ah, c'est pour C'est dire que vraiment. les gars, quand même, qui sont poussés par Michaels, ils cartonnent, hein, Ouais. mine de rien, hein, il n'y a pas à dire. Hein. C'est clair. Ça aide, c'est sûr. C'est mieux que de se faire pousser par. Je sais pas, je sais pas. Ils aient. J'ai pas de nom en tête, évidemment. Non, ouais, non, je. Non plus. Mais il y a aussi un très bon affrontement, hein, pour les fans, s'ils veulent voir toute leur bataille. Il y en a un à Indy Wars 6. Ils sont affrontés en cage. C'est vraiment aussi du haut niveau. Mais parce que là, je crois que les soirées en série, c'est entre le In Your House 3 et le 4, hein. Ouais, je crois, ouais. Ouais, Je si je me crois, hein. trompe pas. Ou c'est entre le 4 et le 5. Je t'avoue que Télé New Orleans, il y en a tellement eu aussi, mais je sais plus. Je vérifie rapidement en me disant que c'était bien entre le 4 et le 5, en fait. Ok. Voilà, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, en fait, Bret Hart, au programme après, il allait retrouver son beau-frère pour défendre son titre, victorieusement, le British Bulldog, bien sûr. Ah oui, dans un match là aussi énorme avec Bret Hart qui avait saigné, qui avait pissé le sang, c'est un combat. Eh oui. Très bon, très intéressant. Malheureusement, bon, il est C'est toujours à sous-estimé. Diana, bien sûr, qui est dans le lot, donc. Oui, elle était là au premier rang. C'est un combat un peu plus sous-estimé parce que bon, on a tous en tête le match au SummerSlam entre Bret Hart et le Bulldog à Wembley. C'est 3 ans logique. avant, c'était, non, je crois. Ouais, c'est Ouais. possible. 92, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. 92, ouais, Wembley, ouais, c'est ça. Donc, oui, il avait affronté le Bulldog après en 95 dans ce pay-per-view à Indy Wars. C'était un très bon match aussi. D'ailleurs, petit ressenti comme ça, avant de passer aux notes du pay-per-view, l'année 95, t'en parlais au début, mais pour toi, tu la jugerais comment, au rendu final, en fait? Bonne dans son ensemble avec des bons pay-per-view, des bons matchs. Moi, je trouve que quand même la qualité technique, c'est vraiment là, à partir de 95, peut-être 94, où la qualité technique était bonne. Bon, c'est vrai que quand on avait Bret Hart, Shawn Michaels, Owen Hart, Akushi, bon, là, on a quelques noms très intéressants. Bulldog aussi. Ouais, ça, je dirais Voilà. pas le contraire. Ouais, c'était vraiment l'époque des techniciens, et puis, ouais. C'était pas mal. Oui, c'est une bonne année dans son ensemble avec des pay-per-views marquants, d'autres beaucoup moins, mais je dirais bonne quand même dans l'ensemble. Bon, mais c'est bien. Je sais pas pour Surtout toi. qu'après, il y aurait. Oui, non, mais c'est comme je te dis, hein. C'est vrai que bah, c'est un petit peu à partir de là, je dirais que j'ai eu un petit peu le regard un petit peu plus analyste que j'ai depuis. Mais toujours en profitant du catch, mais si, parce que quand j'étais petit, les années d'avant, comme tu le disais très bien en présentation, avant on avait l'époque des gimmicks, des gars qui aimaient parfois surjouer un petit peu les Oui. rôles et tout ça. Et enfin, c'était beaucoup ça d'ailleurs. Et qu'il n'y avait pas trop de place aux techniciens, c'était vraiment de l'entertainment pur, c'était du divertissement. Là on est dans le divertissement, mais le divertissement technique, avec des purs catcheurs, voilà Bret Hart, vraiment, là on était vraiment dans l'époque où il donnait plus techniquement, vraiment, Michaels aussi, Ah même si oui. après, évidemment, mais voilà. Et puis avec Razor Ramon, c'était bah, sa meilleure année à la WWF, je pense, sans problème. Et puis voilà, c'est des exemples comme ça. Et puis ça marque quelques. Bon, c'est anecdotique, et comme on l'a vu dans ce pay-per-view, ouais. Mais quelques débuts quand même, on voit qu'il y a quelques naissances de catcheurs lors de cette année, des gars un peu légendaires, hein, ça. Oui, Pas dire le exactement. contraire, hein. puis l'Undertaker toujours magique, et donc voilà. Donc au rendu, c'est sûr, c'est une très belle année, ça y a rien à dire. Pas la meilleure année bien sûr, mais une belle année. Mais qui fait la transition, ouais, voilà, dans mon cas, c'est celle de du petit garçon à l'ado, voilà. Littéralement, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est une période de transition en fait pour beaucoup de monde. C'est une période de transition en tant que R, comme je disais, entre la Golden Era et l'Attitude Era, qui ces deux ères-là, c'est bon, c'est mythique. Mais c'est aussi une période de transition pour les gars de notre génération, quoi, Voilà, c'est clairement. ça, ouais. Ouais. Je dis pas non plus qu'il faisait des scripts pour nous, mais quand même, Ouais, va savoir. hein. À voir. Bon, on va passer aux notes sur 10. Avec la note, je sais pas si je peux te demander ta note, vers quoi, éventuellement. Si, moi je vais mettre une petite note de 7. Un bon petit pay-per-view solide, juste ce qu'il faut. Vraiment rien à dire. Si tous les pay-per-views étaient de ce niveau-là, ça serait excellent. Ouais, et puis on voit que depuis d'ailleurs la WWE, là on voit il y avait 4 Survivor Series match, bah on voit qu'ils se sont beaucoup éloignés quand même et de ce du concept qui faisait vraiment l'âge d'or du pay-per-view. Ouais, alors pour faut dire aussi que les 4 premiers Survivor Series de l'histoire, de 87 à 90, c'était que des matchs par élimination. Du début à la fin, la carte, c'était que des Survivor Series match. Ouais, bah déjà que ce pay-per-view, il s'est créé, je dirais, sur l'idée de Thanksgiving, du partage à plusieurs, donc c'est pour ça aussi, ouais. C'est pour ça aussi. Bon, après, bon, c'est normal aussi qu'ils aient un peu lâché, de faire quand même à chaque fois des Survivor Series Oui, match, parce bon, que par de nos jours, habitude, ça serait non, plus parce que, possible. voilà, ouais. Mais le premier 1 contre 1 de l'histoire des Survivor Series, c'est le fameux Hogan Taker en 91, la première fois où Taker devient champion du monde. Pourquoi c'est un pay-per-view quand même qui a marqué l'histoire, et ça, y a Ah pas. oui, ouais, non, c'est clair. Vers ta note, c'est quoi alors? Moi c'est 7. 7 comme Verpa pour l'ensemble du show. C'est un bon show avec un bon opener, un main event qui raconte une histoire. Et puis un match à élimination avec des grands noms, Razor Ramon, Michaels, tout ça. Donc ouais, 7. Et puis le match des femmes aussi quand même qui est Oh, d'un très haut niveau. Donc ouais, un c'est bon la bonne 7. Un bon surprise, oui. 7. Parce que quand on connaît pas, parce que bon, qui pourrait citer honnêtement, au niveau populaire, à part Aja Kong, personne connaît les autres, il faut être honnête. Hein. Ah ouais. Je dis niveau populaire, hein, parce que bon, après, quand on connaît le catch, on connaît aussi d'autres, oui, comme Inoue, Blaze ou Fai, mais voilà. Ouais, les autres sont restés confidentiels quand même. Oui, voilà, c'est ça, donc. Et ouais, moi, je vais pas être original, hein, je vais mettre 7 aussi, en fait. Voilà, la moyenne sera vite calculée, du coup. Ben parce que ouais, l'opener est vraiment très bon, et puis chaque match a son style, et c'est ça que j'aime. Il y a une empreinte à chaque match a son histoire. Ouais, avec un coup moins bien sur le Goldust Bam Bam que j'ai pas aimé, comme j'ai dit précédemment. Ben du coup, la comparaison avec Jericho, Fandango, encore une fois, elle est bonne. Et voilà, après le main event, c'est vrai, comme tu l'as dit, Renaud, il y a eu mieux, mais au vu de l'histoire, on voit pas le temps passer et tout ça, donc il y a rien à dire, quoi. Voilà. C'est pas un pay-per-view exceptionnel, mais c'est un bon pay-per-view qu'il faut regarder quand même. C'est ce que je Exactement. dirais, ouais. Donc, ce qui fait 7 sur 10 à l'arrivée, voilà, sans suspense, sa moyenne totale. Donc, on vous le conseille, je pense, à revoir. Voilà. À revoir, ouais. Ça arrive qu'on puisse parler de pay-per-view qui sont pas très bons, hein. Ça peut arriver. Ah bah ça peut arriver, oui. Et pas non plus dans un idéalisme béat, hein, parce que on peut pas dire non plus tout ce qui était ancien était bon, hein, ça. Non, non, non, non, oh non, mon Dieu, non. D'ailleurs, on verra. Peut-être que à l'avenir, bon, on va pas faire non plus que ça, mais bon, éventuellement, on verra. On a une idée gratinée avec MP. On verra Oui, je sais, oui. si elle se... Ah, On essaie. ça c'est le fil rouge d'MP depuis quelques mois, on le sait, oui. On essaye, on va voir. Une bonne surprise. Oui, Enfin, un show catastrophique surtout, oui. bonne, je sais pas, mais catastrophique. On verra si on ose ou pas. Donc voilà, au programme à venir, donc il y aura le Survivor Series de 2013. Cette fois-ci, on espère qu'elles seront de qualité. Récemment, il y a eu une info comme quoi les shows en France auront lieu le 21 mai à 2014 à Orchies, juste à côté de Lille, et puis le 23 mai à Strasbourg. Donc on sait que quelques membres de West Radio y seront, ça c'est sûr. Je cible même pas les noms, ils se reconnaîtront. Un Allemand et puis deux ch'tis. Et voilà. Et non, pour info, il y aura aussi le 24 mai un show à Liège. Comme c'est pas très très loin, c'est en Belgique. Si vous êtes dans le nord, n'hésitez pas. Pour info, Les billets sont en vente à partir du 27 novembre à 10h sur le réseau habituel, et sur Internet, la Fnac et compagnie, quoi. Voilà. Je préfère en parler là parce que quand ce sera Leighton Wessel, je crois qu'on va sortir le numéro 2 jours après, en fait, l'ouverture des ventes, donc vous aurez peut-être pas la meilleure place. Eh bien, ça prouve ta compétence. Ouf. C'est bien. Merci. Ah, c'est bien de se serrer les pompes un peu des fois. Ouais, c'est vrai, c'est du bien. Voilà. Donc maintenant les partenaires quand même, avec Voxcatch qui nous a un petit peu donné cette info des shows, et où moi j'écris de temps en temps, Gus aussi et Vincent aussi. Il y a FN Lutte bien sûr, où Sébastien partage les podcasts. La Wrestling Evolution League, ça c'est où Gus joue un petit peu. De temps en temps, on aura peut-être quelques invités dans le futur. On a déjà eu quelques invités. Instant Catch, avec un petit peu en sommeil ces temps-ci en raison des activités de Vincent. Pas des activités obscures, je rassure. Donc Catch Elysium, avec lequel on va proposer, je pense, prochainement un petit truc sur la TNA, par rapport à ceux qui nous proposent des top 10, donc n'hésitez pas à voir sur le forum, et bien sûr à voir sur notre forum aussi Wessels, notre compte où vous pouvez réagir. N'hésitez pas à vous inscrire surtout, et puis à vous tenir au courant des actualités de la radio, que vous pouvez retrouver donc sur le Facebook à Wessels Radio, entre parenthèses officielles, au Twitter @Wessels Radio. Vous pouvez vous abonner au compte YouTube de Wessels Radio, également au compte YouTube de Wessels Radio, nous suivre sur archive.org, enfin nous suivre, nous retrouver sur archive.org. Pardon, iTunes, voilà. Merci Vincent de la précision. Oui, j'étais dans un mélange YouTube iTunes. Et je vais finir quand même par la radio Révolte de Kevin, qui était au show de Marseille et qui nous en fera part la semaine prochaine lors du Late Night Wessels. Voilà. Je pense que je n'ai oublié personne, à part que vous pouvez donc nous écrire par mail à wesselsradio@gmail.com, le tout en minuscules et attaché. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Nous donner des réactions, nous proposer des idées, voilà, ça a bien marché dernièrement, donc n'hésitez pas à continuer. Voilà, donc on attend vos réactions. On espère que vous avez apprécié ce numéro et que vous jetterez peut-être ce pay-per-view disponible un petit peu partout sur le net ou en DVD. Et donc on vous dit à la prochaine, prochain Vintage Wrestles, j'imagine éventuellement le Royal Rumble. Exactement, oui. Voilà, c'est ça, à chaque grand pay-per-view, on fait ça. Voilà, c'est le thème. C'est ça. Au big pay-per-view, le big four, à chaque fois on a un vintage. D'ailleurs, en big four, là, juste comme ça pour finir. Les Survivor Series, moi je le mettrais 3e et Royal Rumble 4e. Vous mettriez l'inverse ou pareil? Moi je mettrais le Survivor 4e, et le Ah Rumble voilà, 3e. c'est ce qui me semblait. Survivor 4e, oui. Ah, ben moi je suis seul alors à le mettre 3e. Bon, mais Après, ça dépend résistance. si c'est à peu près sur comment ça vieillit ou vraiment le niveau actuel, parce que vraiment dans la hiérarchie actuelle, Ah c'est quand oui. même WrestleMania, SummerSlam, puis après Royal Rumble et Survivor Series. Ouais, Moi, moi je suis plus je pense qu'à attaché l'époque, plus les historique, oui. Survivor Series, Ouais, ils étaient voilà. vraiment hauts. Ouais, moi je suis vraiment dans le côté symbolique et historique, en fait, c'est pour ça. Moi, c'est dans le côté importance. Je parle, le mec qui gagne le Royal Rumble part à WrestleMania, bon. On verra bien, ce sera celle du début 2014, mais d'ici là on vous retrouvera donc pour les Survivor Series 2013, et puis ensuite il y aura TLC. Voilà. Un programme chargé quand même. Et ça nous fait plaisir de vous faire partager ça. Voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine, si vous nous écoutez en début de semaine. Et bon pay-per-view, on espère, le dimanche prochain. Et puis à la semaine prochaine pour la suite. Merci. À ciao. Salut les amis.